Martxoaren 17an Uztaritze, Urdazuri eta Errobi ibarreko bozka eremuko eztabaida publikoa Euskal Hedabideetan. Sarako Lurberrigelan aratzeko 7etatik goiti Etiketarik gabe Baptiste Laborde eta Jean-Louis Laduche, Atxebaiko Joana Urbistondo, EAJ-ko Francis Gellier, eta Union de Gauche izenean Marie-Christine Blecker izanen dira mainaren inguruan. Eldu den aste artean, 7etatik goiti, Sarako Lurberrigelan, Departamentuko hauteskundeen eztabaida Euskal Hedabideetan deneri irekia. Arratsaldeon entzule guztieri, departamentuko hauteskundeak heldu den igandean lehen itzulia dugu, bigarrena martxoaren 29an, eta hauteskunde gaualdi berri bat proposatzen dautzuegu gaur, Amikuze Ostibarre Bidasune kantonamendu berriari interesatzen baikira, Jojo. Bai, gai, eta gaurko mahin inguruan hiru hautagai ditugula, Jean-Jacques Lasser Forzo Zankat mugimendukoa, horreino zonbait egunez Bidasuneko kontseilari orokorra, Zoberbaixo departamentuko ezkerraren hautagaia, Xabi Larralde, EH Bai mugimenduko hautagaia. Arratsaldeon, guzieri? Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, dena. Jean-Jacques Lasser, galdeginen dizugu ara, mikroa urbizia. Oui, ara, emankizuna nola iraganen den, oren batez gai batzu barnatuko ditugu, ara nola sozial arloa, ekonomia, euskara, lurralde erreforma eta Ipar Euskal Herriaren biharko instituzioa. Jakin ere debate hau Euskal Irratien webgunean bitartez edo webgunearen bitartez berriz entzuten alko duzuela, nahi duzuelarik. Lehenik, kantonamendu berri unek argazki bat merezi du, Jojo. Ba, jordion, erran dezagun, lehenik kantonamendu guziak aldatu direla eta gure departamenduan, berrogoita 12 kantonamendutik, 27 pasatu girela, eskualerian berian, 12 direlarik. Gure departamendu hau, beraz, gaur aipatuko duguna, Amikuze Ostibarre Bidasune aldekoa. Erran behar da, beraz, lehengo bi kantonamendu badirela osoki hor biltzen direnak, bai Amikuzekoa, bere 27 herriekin eta Igoldikoa, eta gero badira beste hiru kantonamendu zati. Hala nola, Bidasune aldetik lau herri, Bidasune bera, Akamarre, Arranku eta Berguei, Bastidako kantonamendutik beraz hiru herri, Bastida, Aiera eta Isturitze, eta Azparneko kantonamendutik bost, Lekuine, Lekorne, Mehaine, Doostiri, Donamartiri. Orotarat, 21.000 jende numaitan, geixot, kondatzen dira eremu horretan, eta konparatzen badugu aintzineko urteiri mantentze bat. Goratze tipi bat Bastida aldean eta Bidasunen ere bai, besteetan aldiz, mantentzen da populazioa. Populazio hori, hala ere, gaztea da, edo gaztea badira, zahar baino gehiago, zeren eta 20 urte baino gazteagokoak 123 dira, 65 urtetik gorakoak 120. Baina, biztan dena, ere, eskualerri barnek aldean, eskualerri guztian bezala funtzian, populazioa ari da xahartzen. Zertaz bizi dira jendeak, hor, eta populazio aktiboaren 118 laborantzaz bizi da, eta hor bada errepartizio ezberdin bat, eskualdeka. Ostibarre aldean da, proporzio handiena, 122 beraz, laborantzaz bizi baita eskualde hortan. Eran behar da, ere, eta hor, gune guzian, kantonamendu guzietan, edo eskualde guzietan, laborarien kopurua beti ari dela apaltzen, azken bost urte hauetan, azteko frango apaldu da. Industria eta eraikuntzan ari diren langileak, 126 edo hortaz bizi direnak. Eta zerbitzuetan, hor da proporzio handiena, 146, eta erran behar da ere, eskualde guzietan proporzio hori ari dela emendatzen. Hala, mire esker, Jojo Bidart, eta proposatzen dautzuet orai, zuen buruaren aurkeztea, biztandena, heldu den igandeko hauteskunde hauetan zertarako aurkezten zirezten, zer mugimendu representatzen duzuen, behar bada, Jean-Jacques Lasser zurekin, hasiko gira. Oui, merci. Je m'appelle Jean-Jacques Lasserre, je suis de Bidache, donc je fais partie de ces quatre cantons, de l'ancien canton de Bidache, du duché de Bidache, qui rejoignent donc les cantons ou les parties de cantons que vous avez indiquées. J'ai passé ma vie dans l'agriculture, bien entendu quelques mandats politiques, mais j'ai toujours été très attaché à mon village, à mon pays, et j'ai toujours essayé, au travers de mes mandats, de porter à ma façon l'idée de défense de la ruralité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je n'ai jamais accepté d'autres mandats qui auraient pu me détourner de la ruralité. Et je trouve que dans ce canton, véritablement, le point commun, c'est bien celui-là. Aipatuko dugu dudari gabe, Xabil Arralde zuri orai. Bai, beraz, ni izuran biziniz, bon, demora batez kostaldean bizi izaniz, egon izere urte zomaitzuz autetxi, eta dila hiru urte, beraz, itzuli berriz barnek alderat. Bon, inpartitu niz kampaina honetan, ni ustez oso momentu berezian gaudelakotz, geroago aipatuko dugun estatuaren reforma dela medio, eta entxusen ere ustut, erran hori da, boska urtea, gezur urtea, ustut kampaina honetan promesak egiteko tarte gutxi gelditzen dela, zen entxusen ere espeitakigu, ze geldituko diren departamendu horietatik, eta gu abiatzen gira kampaina horretarat, ez gure buruari galdetuz nor ateako den autetxi edo nor izain den kontseilu orokorreko lehendakari, baizik eta nola inendien barnekaldeak bizirauteko erreformak uzten duen panorama berri honetan. Sauveur Basso? Bai, gaon deneri, lehenik nahi nuke erran pentsatzen dut debadio hau buskat egiten ahal izan behindu denek eskuara zobeki izain zela, eta prentsatzen dut Lasserre jaunak bat dituela bere ekipan eskuara bat egitenak, eta bontsa izain zen, mentuaz denek eskuara zegin gindezan. Hori erranik, Sauveur Basso, ordean Dona Astin sortia, hitu nintan hiru urte, laboantxa familian, eta gero, istudioak egin eta lurbegin egin dut, ene lantegian lana, berroi bat urtez, betidanik engeiatua izan niz bai sindikalismoan, partikulazki, langilean defentsan, bai eta ere elkartetan, eta partikulazki horitzen gira, Avenir du Canton montatu indularik, Dona Paule ondo horitan, bai enpleguen defendiatzeko eta ere garatzeko gure eskualdea. Eta gioztik, ikusten dugu, aleiki gure eskualdean gauza honak ere gertatu direla. Betidanik ere engaiatua izan niz eskual munduan, bai eskualeriko departamentu baten galdetzeari buruz, bai bateran, bai ere mementoan delako biltzarean, ere ordezkari ordeniz, eta beti horren gibilean galdera hori eskualeriko instituzio baten galdera. Ezkonduan iz, bi haur eta arbeatzi ziregoko hauzapez, 2001-etik geroztik, eta ekipa plurial batean, ekipa tiket plurial batekin, eta elgarrikin biltzen gira, elgarrikin bizitze horri buruz, eta pentsatzen dut kantonamendu guntane, badela zer egiteko gauza horri buruz. Ordean, gauza bat nahi dauzute galdegin, zuri Sauveur Basso, zure motivazioak aipatu dituzu, horretarazten dugu departamentuko ezkerraren izenean presentatzen zirela, zure tendentzia eta bereziki Georges Labaze presidentaren bilana azkar kritikatua izan da eskuinaren aldetik, bereziki kudeak eta ekonomikoa ez dela xuxena izan, desoreka bat sortua izan dela, zer diozu? Bai, gure ekipa ezker departamentoaren izenean presentatzen gira eta hainiztasunean. Eta bai Partido Sozialistak, bai Berdeak, eta bai ere Ezkerreko Abertzale talde batek, Andiez Sainte-Marie buruan, sustengatzen dituzte. Eta nik biziki pentsatzen dut, geroari buruz gauza hori important dela, Ezkerraren batasun horren egitea eskuinaren frentean. Eta eskuinak bai biziki kondenatzen ditu azken urteontan pasatu direnak, gauzak, ez dakitzen dako, Barthelemi Agirrek errandu katastrofikoak zirela, eta hak erranik seguro sinesten ahaldugu, eta zenta ezautzen bititu gauza hori biziki guganetik. Behinan hori pasaturik, erten ahalda nik uste departamendu hau untxa ere manik izan dela azken lau urteotan, eta horren justifikazioen egitza, ez dira denak erten ahal, baina justifikazioen egitza, BFM Business horrek jelgidu klasamendu bat, azken egunotan, hemen dut, hene klasurian, eta departamenduetarik, latronita hamostetarik, zazpigarrena gida. Eta BFM Business hori ez da eskerraren menpe, eskuineko eta nausi batzuk kudeatzen dutena. Eta pentsatzen alda hain katastrofikoa izan balima zen, nola izanen ginen. Eta bon, gauza horiek behar dira nik uste xuxendu, nik uste bada bilan on bat, partikulazki sozial mailan, baina ere ekonomiko laguntzer buruz, bai ere, eran nahi dut, eskuar eta eskual kulturari buruz. Eskerra jintzilarik podererat 2011an, Frankok pentsatzen zuten eskualerriak biziki sofrituko zuela. Eta la urtein buruan ikusten dugu eskualerriak ez sofritu, baina garatu bere laguntzak. Bai, Jean-Jacques Lasser. Bai, Jean-Jacques Lasser, zuegona zira ez, zazpi urtez kontseilu orokorraren buru, ez duzu gordetzen ere nahiko zenukela berriz lehendakaritza hori eskuratu. Zer dira zuen funtsezko desberdintasunak, zure kudeatzeko maneran eta ezkerrak kudeatu duen maneran? Alors, dites-moi, deux petites mises au point. J'aimerais que le temps de parole soit respecté. Sauveur Bachot, je le connais depuis longtemps, c'est parfait. Deuxièmement, je n'aime pas qu'on engage un débat en disant d'entrée de jeu que vous auriez aimé davantage avoir affaire à un locuteur basque. Que voulez-vous ? Je ne sais pas le basque, c'est toi Sauveur qui a dit ça. Pardonne-moi, c'est vous Monsieur Bachot qui avez dit ça. Oui, je considère que c'est une forme d'exclusion que je ne partage pas, en tout cas dans mon cœur, dans ma vie. Je n'ai jamais eu une attitude d'exclusion, qu'elle soit sur un plan linguistique ou ailleurs. Si vous voulez que je participe de ce débat, moi je veux bien m'exprimer en français, je ne vois pas en quoi mes droits seraient inférieurs aux locuteurs basques, que je défends par ailleurs. Je voulais faire cette mise au point. Les chiffres du département. Alors, avec beaucoup de délectation, les uns et les autres se réfugient derrière l'analyse, la photographie du département faite par vos confrères BFM TV. Non, c'est pas BFM TV, c'est BFM Business. C'est pas pareil. BFM Business, bien, écoutez, c'est pas pareil. Je puis vous garantir, parce que moi-même j'ai vu cette affaire-là, c'est la photographie du département en 2013. C'était au second budget de l'exécutif actuel. Et que voulez-vous ? Non, moi, c'est le budget primitif 2014. La photographie, pas 2013. L'analyse, c'était les chiffres de 2013. Non, budget primitif 2014. Je connais bien la situation financière du département. Prenons des éléments qui sont factuels. Au niveau des chiffres, on peut toujours s'opposer. Je vous cite deux éléments factuels. Mmh. Il y a deux ratios extrêmement importants qu'il faut regarder au niveau des collectivités. Oui. C'est le niveau d'endettement, mon cher Sauveur. Oui. Le niveau d'endettement. J'ai laissé le Conseil Général avec une année 80 de coefficient d'endettement. En fin d'année 2015, les chiffres de l'exécutif sur les orientations budgétaires, il y aura 10 années d'endettement. Ce qui veut dire qu'il faudra au Conseil Général 10 années, il faudrait 10 années où l'on consacrerait l'épargne nette au remboursement du capital restant dû. Deuxièmement, il n'y aura quasiment plus d'épargne nette. Ça, ce sont des chiffres qui sortent des documents de mes amis socialistes que vous défendez à corps et à cri. C'est la réalité. Le pouvoir socialiste, l'exécutif socialiste, bien entendu en 2013, il peut faire apparaître des bons chiffres. C'était le prolongement de notre situation. C'est 2014, ni plus, ou 2014, c'est pas 2013. Ni plus. Moi, je vous parle des chiffres de 2015. Ah oui, oui. Un budget qui n'est pas exécuté pour l'instant. Si BFM Business avait fait ce classement deux années avant, on aurait encore été meilleur. Hein. Donc, ce sont des chiffres, bien entendu, qui procurent un peu de délectation et qui sont repris par tous vos amis, parce qu'ils n'en ont pas d'autres, ils sont désespérés. Quand je dis département endetté, moi, je sais dans quel état j'ai laissé le département, et quand je dis plus du tout d'épargne nette, ce qui autorise l'investissement, ce sont ces deux chiffres qu'il faut retenir. Je le dis et je le redis, l'exécutif socialiste que vous défendez, mais c'est difficile de le défendre, nous a laissé cette situation. Il a diminué les crédits routiers en Pays Basque. Vous voulez quand même prendre à votre compte, puisque vous voulez gérer le département, je suppose que vous prenez ces chiffres quand même pas trop mauvais, puisque vous voulez reprendre, s'ils étaient si mauvais que ça, vous voudriez pas reprendre le département. Un peu d'élévation à ce débat. Oui. Hein. Je n'ai aucune ambition personnelle. Ah bon. Écoutez, j'ai l'âge que j'ai des responsabilités, je suis heureux. Je suis heureux de vivre. Je considère que mon devoir, c'est de ne pas laisser les choses en l'état. On pourra continuer ce débat si vous le souhaitez. Donc, Xabi Larralde, zuri hitza, eskuina eta eskerra izan dira departamentuaren gidaritzapean, gidaritzan, bai bat bestein ondotik, nola ikusten duzu bat eta bestearen kudeantza? Bai, Juan, eganen dut nire ustez pixkat eztabaida horiek antzuak direla bi ikuspegi batetik. Bon, lehenik eta behin departamentuak ze bilakatuko diren ezkerra eta eskuina ados da. Eta gana idut horrekin enago aipatutan erreforma hori martxan dela, hiru ardatzen ingurian, erresioak haunditzen dira, erri elkargoek ere indar hartuko dute, eta erdian departamentoak ogitarteko batean bezala edo harrapatuak dira, eta desagertzeak diren egiturak dira. Odan, barba hori ez dute bateginen konstatazio horrekin NEBI ez da behidak idek, baina pentsatzen dut nik, lehenik eta behin, alderdi frantsesetako eliteak, Parisen diren buruzagi horiek, zentru eskuinekoak edo ezkerrekoak, bat egiten dutela tendentzi hauekin. Ta nik emanen dut, adibidat, dela 15-20 urte, entzunakon Alain Lamassoure, garai batez zentruan zen gero sartu zen UNP-rat, hiru tendentzi horiek aipatzen. Galdera da, zendako gaur gauzatuko dira tendentzi horiek, hainbeste urtez ez direlarik indarrean jarri. Enetako arrazoin simple baten gatik, eta da, erreforma guzi hau, erreforma administratiboa, agindua da Europatik. Eta Frantziak Europan bere tokia txikina ebadu bereziki Alemaniaren aintzinean, bai ala bai, egin behar ditu erreforma horiek. Eta konstatazio horrekin, eskuina eta ezkerra ados da. Eta nik hor hitz bat erabiliko dut, hola Jean-Jacques Lacerrek ere zuzenean entzunen du, eta ulertuko, eta da, ene amatxik erraten ziena, la droite et la gauche, klasikoak, ze blan bone e bone blan. Horregatik, niretako ez da baita horiek oso antzuak dira, eta bigarren ez, barbada geroago aipatuko dugu gai sozialetan, erramarda ere, departamentoaren diru iturri nagusia heldu dela estatutik, estatuaren dotazioak. Eta horiek baduazte tipitzerat ikaragarri. Zendako, zeren murrizketa politikak indarrian dira, eta horiei buruz eskuina eta ezkerra klasikoa, enamatxik ertentzien bezala, blan bone, bone blan. Hortan utziko dugu mamian sartuko baikira berehala. Nina inuke, Jean-Jacques Lacerrek erran dien guziak alege errepostu bat eman. Izanen dugu ez da baidatzeko mementoa, baditugu gai frango ikusteko, eta segur nahi zogere izanen duzu Lacerrekan. Sifren gainen, pentsatzen dut, badela Lacerrekan, eh? Sozial ahloa zariko gira orai, beraz notro deitu legearen lehen irakurketa egina izan da lege biltzarean. Eskumen guziak ez dira oraino finkatuak, baina argidena da sozial ahloa, beraz departamentuen esku egonen dela, eta budjetaren parte nagusia ere, horri buruz itzulia izanen dela. Bi partetan aztertuko dugu soziala, adineko jendeetaz hariko gira, eta gero haurrak eta familietaz. Beraz, lehenik, adineko jendeetaz mintzatzeko, Xabi Lajal zurekin hasiko gira, zer dira zuen proposamenak? Bai, nire ustez, irakurririk ere beste hautagaien programak, ez dugu beti guk bakarrik arrazoin, hori aitortu behar dugu ere, bada konsentsu orokor bat, jende zaharren hartatzeko norabidetan, baitira, lehenik eta behin, zaharretxeak lagundu, eta hor inbertsiotan laguntzen du departamentoak, nik hortaz nahi nuke azpimarratu biziki importanta dela zaharretxetan lanian nahi diren jenden, lan baldintzak zaintzea, zeren zahar horiek berdien bezala hartatzeko jendeak langileak badituzte baldintza onak, eta hori ez da, baita ezpada bermatua egingo egunean, eta bigarrenez, egin ahalak inbar direla, behaz zaharrak etxetan atxikitzeko, eta horiek autonomia maila bat bermatzeko. Bon. Eta, sartua baigira regione handi batean, barne da ere Creuse departamentoa, eta baila zenut adibide bat emateko, erganez, politika sozial horiek ez duazte ekonomiaren kontra, eta adibidez Creusen domotikan, nahi du, etxetan nola lehiuak zerra eta oro automatizatzen aldira, eta indute sekulako lana hango departamentoak hori garatzeko, eta haute ere liseo tekniko bat hori itzulia, behaz badira gauzak egin gari. Baina, pentsatu behar dira alako ere muak beren orokortasunean, eta zaharrei buruz bada ere muak biziki gakoa dena, eta da osagarria. Eta guk azpamarratzen dugu behar direla tokiko osagarri zentroak, hori gakoa dela, eta badira pataskak eta bojokak gauza horren gainean, zaitasun handiak ere bai. Eta bestetik, gai hori ere, nire ustez, parte batez, kudatu behar dela barnekalde kostaldearen arteko osagarritasun ikuspegi batetik. Eta hortaz hartzen dut gure kantonaren duen bizki importanta den edo izena den adibide bat, eta da Sokorri klinikaren bilakaera, lortu da, eta ustut hori betxalutu egin behar dela ere, Sokorri bilakatzea publikoa, baina nola lortu da hori, antxusen ere, Baionako eta Kostako ospitalarekin partaidetza bat indarrean jarriz. Eta, bon, gaur etorri da Jean-Jacques Lasser, eta ongi etorria, biztan da. Etorri bazen, kompasione, Barthélemy Ager, nik errango nion gai hortaz, Barnekalde kostalde arremanen guruko gai hortaz, eta da, erranen nion, bera da bilela, nik errana ez egin eta nik eginak ez erran. Errana ebitu, berak momentuan indarrean den ez da baidan, erten du, Barnekaldeak inbardu bide bat bere aldetik. Baina olako dozierak, Sokorri klinika bezalako dozierak, kudeatzeko orduan, nuntik harrapatu da aterabidea, hain txusen ere, kostaldearekin, Baionako ospitalearekin, hitzarmen bat eta partaidetza bat lotuz. Jean-Jacques Lasser, erantzun bat? Oui. Une réponse, oui. Et qui doit nous arriver? Non, alors l'ensemble des choses quand même. Denak, oui. Non, c'est simplement. Le devenir du département, c'est l'Europe. Je ne crois pas, Chavi. Il y a en France, gauche et droite, il y a deux pensées qui se télescopent et qui cohabitent difficilement. Ce sont les jacobins, les centralisateurs, et ce sont les décentralisateurs. Il est bien évident qu'il y a une pensée en France, et maintenant je constate que souvent cette pensée, elle se développe à l'intérieur du périphérique parisien, qui ne supporte pas que sur un plan fiscal, les remontées d'argent, que sur la redistribution, que sur les politiques à développer, qui ne supporte pas que les territoires disent leurs mots. Moi je suis de ceux qui ont toujours défendu, souvent je voulais même le dire, puis, moi ce qui nous distingue, je ne suis pas nationaliste, mais je suis décentralisateur comme vous. Je cherche le pouvoir au niveau du citoyen. Et donc ce débat sur les départements, il était coloré par tous ceux qui veulent affaiblir les collectivités locales, qui veulent supprimer les communes, qui veulent supprimer le département. Moi, j'ai toujours cru au département parce que c'est un bel espace de solidarité dans les régions qui en ont besoin. Je reviens au social. La clinique Sokorri, quand même, je considère que c'est un beau résultat. Enfin, je n'ai pas dit le contraire. L'hôpital, qui est exemplaire, toutes les énergies se sont liées. Et que voulez-vous, c'est l'exemple de ce. C'est peut-être la seule belle initiative de solidarité de la côte et l'intérieur. Alors, sur le volet social, on aurait beaucoup de choses à dire, je ne veux pas abuser de mon temps de parole. Il y a beaucoup à faire au niveau des personnes âgées. Il y a encore de l'innovation à faire. On se rend compte qu'en établissement, je vais vous étonner, nous avons des places en établissement. Par contre, au niveau de l'accueil à domicile, il y a des gisements extraordinaires que nous voulons développer. Il y a des initiatives à prendre en résidence sociale, je dis bien sociale, pour personnes âgées. Parce que la demande des personnes âgées évolue. Les personnes âgées rentrent de plus en plus tard dans la maison de retraite est malheureusement de plus en plus en difficulté. C'est un public, pardonnez-moi, c'est un public qui évolue. Donc, à domicile, résidence sociale de personnes âgées, autrement dit, tous les efforts qui peuvent concourir à donner aux personnes âgées un cadre qui a ressemblé à leur vie. C'est ça le traité. Donc ça, et puis toute une série de dossiers que j'aurais voulu développer, l'APA, le RSA, les jeunes et la médicalisation en zone rurale. Je dis les thèmes, si on a le temps, on peut en discuter. Sauveur Bachelier, malen dugu hitza, bai, erraiten alduzue, mintzatzen altzirezte, hitza mozten alduzue, errespetatzen bali maduzue, gero denbora bakoitzari, Bai, erantzuteko Jean-Jacques Lasserri reformari buruz, erteko, nik pentsatzen dut, arek, baserri eremuari begira eta tokiko lurraldai begira eramaten duen defentsa zintzua dela. Ba, nik konstatatzen dut eskuinaren aparatu politikoak eta hor diren eliteak beste norabidean direla. Eta zerga profesionalak nok kendu du. Sarkoziren garaian, deia orain indarrean den erreforma martxan zen, eta Sarkozik mainganeratu zituen lekonzien territorio. Donc horregatik erraten dut, eskuina edo eskerra, gai hortaz, konkretuki, gauzatzen diren hilduetan, da blan bone, bone blan. Xabi, attendez, non, s'il vous plaît, Xabi, c'est vrai, la droite et la gauche. C'est le Parti Socialiste qui, en responsabilité, a saccagé les départements, a fait les découpages que l'on connaît, c'est le Parti Socialiste. Avec et qui maintenant... Qui était marqué déjà sous Sarkozy. Moi, quand le gouvernement de droite était au pouvoir, je ne me suis pas caché pour dire le mal que je pensais des réformes fiscales, y compris de celles qu'avait initiées Sarkozy. Que voulez-vous ? Dans ce combat, il y a des gens qui considèrent que le jacobinisme français est la source de la plupart des maux dont on souffre. Regardez l'architecture de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Espagne à deux pas de chez nous, on peut en parler. Il faut absolument que ce pays se décentralise, mais avec du contenu. Et juste qui sont vers Bacho, Gutiennik mintzatu zira mementoko, guaida... Nik uste, guai, gire puskat badut. Bon, lehenik Xabi Lagaldi nahi dako terren, gaur ikasi utala gauzat, eskerra eta eskuina berdin dila. Bon, untxa, horiek hola... nahi nuke agutsi aleik egila abepres berdin. Bon, aipatzen bada sozial maila. Bo, departamentuetan sozial mailak hemen egiten du, egun eindako berroita hamost. Bon. Eta, bon, denek kondutan hartzen dute, gauza hori eguntza pasatu direla, bon. Aipatzen badira, oaztian, aipatu dugu, gutio dela departamentoan agerita, apan, partikulazki, 2002an, 6.000 berriun jende ziren, eta guai, 13.000 eta 5.000. Errezan, berdin, ordean, zer nahi du hori, agerita kriza hunek, eakusten du departamentoak gero, ez dakit, eskoaz nola erten aldutan, buklie sozial hori direla. Geriza soziala. Geriza soziala direla. Eta hori, partikulazki, departamentuetan, eta partikulazki, nik uste eskerrak eta eskuinak, ez dugu arras ber ikusteko moldea gauza hori gainean, elkartasunaren gainean. Ordean, ikusi behar da, hemen datzen direlarik, erreza, APA eta prestazion, komplementer du handikap, kompensator du handikap, egunta hoita hamamos milion egiten duela mementoan... Se la PCH, se pa la PA. Departamentoan, oui, prestazion du handikap. La PCH. Mais oui, la PCH. La PA. Mais non, j'ai dit la PA, okay. Le RSA, et tu écoutes pas okay. Bien, Jean-Jacques, et la PCH. Donc, entre ces trois, on est à 135 millions d'euros. Egunta hoita hamamos milion. Francesilat, lera azte nu, bon, behar dut berrizien... Utsada, batuzu demora hono, euskara zarteko. Gero, gautza horiek biziki emendatu dira, ageri da. Eta gero ere, aipatu behar da, delako aloiamendua ere, gaztendako, dificultatean diren problemendako, haurendako egiten diren indar guziak gauza horiek buruz. Eta autonomia, aipatu dugu autonomia, eta partikulazki, xaharen autonomia. Delako, apa hortan, apeprez, 8.000 abian dira etxen egoiten direnen dako, eta apeprez, 6.000 xar etxetan direnen dako, epat hoitan direnen dako. Ageri da, bon, Xabi Lagaldek aipatu du gauzat, langileak buluz, bena, zumeitek egiten dute, deia, eskerrak, 2.000 eta jamekatik eta jamala horat, berroita jamar lan postu sortu ditu xar etxetan. Ez da aski, ageri da, baina indar bat egin indar horiek buruz. Eta eskuinak aipatzen duelaik biziki postu sortu duela eskerrak, deia berroita hamar badira zahar etxetan. Horren bihar, Mareruski, Jean-Jacques Lasser eta bere lagunak balimadira majoritar departamentoan, hoik henduko duztea, mentuaz ba, ez dakit zer egin gehi duten. Biherren gauza bat ere, beti hori buruz, posta horiek lotua, kontra davenir horiek, berroita hamar kontra davenir gaztendako bazien eginek, kontseilu orokorrean, eta horiek titularizatiak izan dira. Ali posta horiek, delako prekarritatean direnen laguntzeko, eta prekarritatean direnak erreza diburuz behar dira jende horiek berriz entxeatu lanian ezartzea, eta lanian ezartzeko behar dira indarrak egin, bai aloiamendua diburuz, bai garraio erburuz, bai osagarria diburuz, mentuaz bihar permisa pasa ahaldezaten, eta horietan guzitan personel ali delako hori prekaritatean zen, eta titularizatia izan da. Eta, bai, eskerren baloreak dira ere, langilen, Xabi egerten dukan bezala, langilen prekaritatetik elgitzia. Eta, sifrek, erakusten die, Xabi, 2008-tik eta 2008-tik, kontseioen ahaluntan, ehunta behoi jende, langile, deprekarizatu direla. Ez zitean titular eta guai titular dituk. Ehunta behoi. Ez duk mentuaz biziki, baina eakusteko, puska bat, eskerra eta eskuina ez direla beti berdin. Sozial arloan beti, baina beste aspektu bat hartuko dugu, gazter buruz, hor ere badira eta sailak betetzen dituenak eta bere gain hartzen dituenak departamentuak, bai gazter buruz, aurrentzat, aurzaindegiak izan diten, eta sail hortan, Jean-Jacques Lasser, zuek zer duzuet defenditzen, zoin dira zuek aintzinean ezartzen dituzuen ideiak eta aintzinatuko dituzuen proposamenak. Non, pour les personnes âgées, je l'ai dit. Alors, c'est dommage qu'il... Pour les jeunes les crèches. On parle des crèches. Les personnes âgées. En quatre années du pouvoir socialiste, allié aux écologistes pour la circonstance, toutes les maisons de retraite qui ont été construites l'ont été sur des dossiers que nous avions montés. Jean Labazé a coupé les rubans, nous avions trouvé les financements et obtenu les autorisations. Depuis, ce dossier est bloqué. C'est ça la vérité. Oui, non, mais c'est tout le contraire. Qui as bloqué les choses entre 1998 et 2002, Jean-Jacques. Un peu de dignité. Monsieur Bachot. Non, mais pour Saint-Élisabeth à Saint-Palais, le conseil général, il a donné combien? Il a donné 1 700 000 sur 12 800 000. C'est une délibération de février 2012. Donc c'est bien la gauche qui était au pouvoir, quand même. Monsieur Bachot, on va arrêter. On va s'expliquer calmement. Non, mais le 12 vous sortez de Fogon, vous n'avez pas changé. J'avais, en tant que président du Conseil général, mais qu'on s'explique, en tant que président du Conseil général, parce que les territoires départementaux étaient différemment couverts des maisons de retraite. J'avais décidé, sur une année et demie, de faire un moratoire pour regarder attentivement quels étaient les endroits où il manquait des maisons de retraite. Je suis sorti de ce moratoire et nous avons autorisé des établissements. C'est ça la vérité, par souci de justice et d'équilibre. Voilà comment nous avons travaillé pour les maisons de retraite. Quant aux 50 emplois que la gauche a créés, elle n'a créé aucun emploi. Monsieur Bachot, qu'on s'explique. Il faut être précis quand on se parle. La gauche a laissé aux établissements, ce qui est une bonne chose, mais elle a laissé aux établissements la possibilité d'embaucher. Ce ne sont pas des emplois du Conseil général. Et la gauche a tout simplement accepté que les prix de journée augmentent, ce qui veut dire que ce sont les pensionnaires qui vont payer ces emplois, et dans certains cas, les prix de journée aidés par le département. Ça, c'est la réalité. Il faut rectifier. Il n'y a pas de problème. Il faut rectifier. La gauche n'a pas laissé un seul emploi, elle a autorisé les pensionnaires à se payer quelques emplois supplémentaires. C'est ça la vérité. Est-ce que vous contestez dans les EHPAD les chiffres que j'ai donnés par rapport à Sainte-Élisabeth? Mais quand vous dites c'est une délibération de février 2012. Pardonnez-moi, un peu de dignité. Mais je suis très digne. Non, surtout pas. Sur 12 millions 800 000. On peut se parler calmement. Oui, mais parlons-nous calmement. Ne dites surtout pas. Je sais que les arguments sont difficiles à trouver quand on se dit socialiste ou écologiste, en plus dans cette alliance. De dire que la droite... C'est plus facile d'être allié avec l'UMP. De dire que vous avez besoin de garanties de notre part pour conserver ces emplois. Mais enfin, mais on se connaît quand même. Vous pensez que j'aurai l'indignité de supprimer des emplois qui ont été créés? Mais puisque vous avez dit qu'il y en avait trop. Je trouve que ce niveau de question, M. Bachot, ne nous met pas à la hauteur du débat que l'on devrait engager. Je ne cherche pas. Quand on me cherche, je me trouve très facilement. Pour la jeunesse. J'avais mis en place, M. Bachot, une chose qui vous avait échappé, quand j'étais président du Conseil général, ce qu'on appelait les ALI, les animateurs locaux d'insertion. Qu'est-ce que c'était? Et nous allons continuer dans cette voie. C'était une brigade de collaborateurs du Conseil général dont le seul travail était de mettre en relation les titulaires du RMI à l'époque, c'était pas le RSA, avec le monde du travail. On est bien d'accord, pas de problème. D'accord, et avec les entreprises, même si ça vous écorche les oreilles des fois de parler des entreprises. Non, pas du tout. Je compte bien. On a contribué à la création de plusieurs entreprises. Il y en a qui ont contribué au déménagement aussi. Parlons pas les deux à la fois, on manque de temps. D'accord. Je compte bien. Si nous sommes en responsabilité, réconcilier, c'est même pas la peine. Rapprocher, mais avec beaucoup d'intensité, le monde du travail de l'entreprise avec les titulaires du RSA. Et pourquoi? Parce que je sais que dans notre département, et surtout en Pays Basque, il y a beaucoup d'entreprises citoyennes qui veulent, au-delà de leur métier, au-delà des difficultés qu'elles ont, qui veulent absolument avoir un objet social. Ces entreprises, je travaille avec elles, je ne les ai jamais abandonnées. Elles attendent un changement de majorité au Conseil général pour que véritablement ce réflexe citoyen... Je pourrais vous citer le nom de plusieurs associations pour que ce réflexe citoyen des entreprises se mette en organisation. Et moi, je m'engage, au-delà du RSA que l'on versera, bien entendu qu'il faut le verser. Mais que vous soyez étonné que je dise ça, ça m'étonne, mais enfin, peu importe. apporter. Finalement, il ne faut jamais s'étonner de rien dans la vie. Ce que je veux apporter de plus et que vous n'avez pas l'intention de faire, c'est précisément faire le maximum avec les jeunes du RSA, idem avec les collèges, pour mettre en relation, cette, généralement, c'est la jeunesse qui est comme ça, cette jeunesse avec le monde du travail. Et je vous garantis que sur ça, je ne m'économiserai pas. On avait fait les ALI il y a une douzaine d'années. On passera la surmultiplier dans ce domaine. Est-ce qu'on est d'accord que c'est la gauche qui les a titularisés? On est d'accord sur ce point? Est-ce que la droite les a menacés une seconde? Mais bien sûr, c'est la gauche qui les a titularisés. En tout cas, ils étaient précarisés et maintenant ils sont titularisés. C'est une belle avancée, monsieur Rachaud. Sortez des avancées administratives pour donner un peu de contenu et de fond dans les propositions. On est d'accord. On est d'accord. On est oppositionnik, hor, da da, segida bat, batzuen eta besten artean, Sober Baixo, aurreri buruz, aurzaindegiri buruz. Bai, aurzaindegiri buruz, bon, politika berri bat hautaturik izan da, delako aurreri buruz, partikulazki, zenta kres delako hoitan, bon, aurzaindegi hoitan, bo, eguna indako jogei dira egoitan, eta beste latoneiak, ed maternelek eta behidatzen dituzte, eta ordean, beste repartizione bat izan da eginik, ez da sosik henduik izan, 2015an 900.000 euro bozkatu ditu kontsibionalak jaugeri buruz, eta partikulazki delako PMI delako hori biziki hobeki eginen dugu. PMI hortan jaugtipien segitze hori biziki hobeki eginen dugu, pasaziz kasik jaugusiak PMI delako hortan. Eta gero ere, jaugen balituek buruz ere, biziki indar importanta izanen da eginik, prevenzione mailan. Erra nahi baita, hiru urte eta erdi eta lau urtein artean, biziki gauza pasatzen dira, eta hor, mediku examen bat eta biziki importanta egitea, ikusteko bihar ze eritasun eta jiten alden, eta partikulazki edo biztari buruz, edo entzutiari buruz, eta hola. Eta hor dian, bon, medikal delako etxamin horrek, biziki jauzak aintzinaziko ditu, delako depistaza horrek. Eta hauto horiek eginik izan dira, eta pentsatzen dut ona direla. Xabi Lagal, zuri itza, aurzaindegiak, aurzaindegi proiektuak badira funtsian, Oztibarren eta erritipietan, ez dira bakarrik zentro handiak, eta ere, medikalizatzeari buruz edo mediku eskaz eta mediku edo osagarri zerbitzuer buruz eta pixka bat zuen optika edo orientabidea. Bai, erran behar da, departamentoak egiten duen lana erimurtan biziki importanta da, bon, soberrak aipatu ditu, PMI-ak, ram rezo d'assistant maternel, baita ere aurtzaindegien sostengatzia, eta egerteko baritake honu gehiago egin. Eta leheno ertentzen bezala, bon, batzuk eta bestek protokolo ezberdinak edo neurri ezberdinak martxan jarri dituzte, hor ez da baidan, azken astetan egon da kompazione polemikatxo bat, zeren bon, eskuinak erten du, funtziona moldearen zat emandako diru laguntzak endutuztela, eta guai berbideratu aurre zinduer, bon, olako gauzak. Odan, guk erten duguna da, biztan denez indartu behar da eremu hori, bizik importanta da barnekaldean dako, nik nire kasu pertsonalean barnekaldea ditzu nintzelaik aski konten nintzen, hau zen egi bat, atxe maitea, etxetik urbil, baina uste dut funtsezko galdea dela, ze sosekin. Ta hortakotz, nahi nauzun arrapostoa eman zober, nik ez dut erten sozialistek indutena departamentoan, gaizkidenik edo arras eskuinak induenaren antzeko edo berdin. Ez da hori nire kritika. Nik erten dut, maila orokorrean, hainbat gauzetan erabaki gari dena, azkenean gobernu sozialistak eta eskuinak hartzenituzten posturak berdintxoak dira. Eta, ordoan, heldu bagira gai hori, eta denak ados bagira erteko gehiago inbarlitaike, nik galdetzen dut, bai baina, ze sosekin. Eta hor, xifriak begiratzen ditu larik, ohartzen gira, 2013 eta 2016 bitartean, dotazioak joan direla, kipitzen 185%. Eta hori sozialistek dute indarrean ezari. Eta hori da, nik kritikatzen dutena, erten dut alaik, ez zuen borondate ona, gauzak aldiren manera hobekienean egiteko departamentu mailan eta lokal mailan, baizik eta gainean alderdi klasiko horien zuzendaritzetan, erten dien erabakia kritikatzen dut, eta hori begira, erten dut nik, PSA eta UNP eta Zentroa Modem UDI, blan bone, bone blan. Eskuina heldu balimadara podereat, doblia izanen duk entuiko, no? Ordean... Bai, una sozialistek ez dute norabide aldatu, segitu dute eskuinak markatu zituen norabide berdintxoak. Denbora fite badoa eta baditugu beste gai batzu barnatzeko, segi dezaguna. Ekonomia arloa ere aipatu behar baitugu biztan dena, ez da mementoko departamentuaren eskumenetan, ala ere proiektuka diru pixka bat ezar laike, beraz zertan ezari behar du departamentuak lehentasuna zover baso zurekin hasten gira. Bai, erten duzu mezela, ekonomia ez da departamentuaren lehen kompetentzietan, baina gauza zumeite egiten alda aleike. Bo urtean, apeprez, eskerra ginez gioz, ekonomian hamea 3 milioi ezartzen ditu departamentuak urte bakoetx. Gero guai agirida kompetentziak kanbiatziare egin, bo partikulazki eskualdeak, regioniak gero eta gero podere hartuko duela hortan. Baina egiten alda elgarrekin lan bat ekonomiari buruz, eta partikulazki gure entrepriza tipier buruz, eta ere ikusiz zer deia pasatu den. Jartzen bat dugu laborantza, ono ez baitugu aipatu, pentsatzen dut eskerrak iziarriko indarrak egin dituela, bai eskualerriko laborantza ganbara lagunduz, bai ZLPB eta beste entrepriza frango. Pentsatzen dut horiek buruz segitzen ahal ditugula. Gero, guai hartio ederen, delako zon da aktivite ekonomik eta horiek ere, laguntzen ahal zituen departamentoak. Bo, iduridu, azken gauzetan, on hori behidatzen ahalko duela. Bon, behinan, ez da segur. Menan, pentsatzen dut, gauza horiek buruz, koordinazione bat bezala, egiten ahaldu ekonomian, pentsatzen dut, departamentoak, bon, agerida mentuaz kompetentziak partitzea egin, ez dela haine ize izain, baina pentsatzen dut, haleike, behar dela delako hurbiltasun hori behidatu, eta partikulazki, kontseilu departamentuko berriek, lan important bat egiten ahaldutela koordinazione mailotan, dosieren eskualdeat igana azteko eta defendiatzeko ere eskualdean. Jean-Jacques Lasserre, économie. Oui, l'économie. Avant une précision, je me suis engagé sur les personnes âgées. Je m'engage à rétablir le financement des crèches qui est passé de 2 millions à zéro pour revenir à 900 000 euros parce que ça chauffait. Je m'engage. Donc c'est pas zéro. Je m'engage à rétablir. Je ne t'ai jamais interrompu, Bachou. D'accord. À rétablir le financement des crèches que le Parti socialiste allié aux écologistes avait supprimé. Sur l'économie. Je suis de ceux qui s'est battu pour que le département conserve une responsabilité en matière économique. Alors, rapidement, hein ? Rapidement. Le Sénat a été d'accord sur ça, et il est hautement probable, à condition bien sûr que le PS ne détricote pas... Ah, ce PS qui, mais non, mais il faut appeler un chat un chat. C'est ça. Il faut appeler un chat un chat. C'est vilain. Tu n'en es pas. C'est vilain, petit canard. Tu n'en es pas. Mais non, moi je suis de la gauche plurielle. Je suis de ceux qui s'est battu, mais non, mais le PS a fossoyé les départements, et maintenant je suis étonné qu'il soit n'emploie pas de mots trop forts. Candidat, monsieur, la vérité. N'emploie pas de mots trop forts. C'est la vérité. Fossoyeux. Le Conseil général gardera, je l'espère, une responsabilité en matière économique. Il faut qu'on rétablisse les aides à l'agriculture. En 3 ans, c'est passé de 6 millions à 4 millions d'euros. Il faut absolument que la loi nous permette, c'est hautement probable, de contracter avec les communautés de communes et les communes pour avoir un partenariat qui ne portera pas sur les aides aux entreprises, ça ce sera interdit, mais qui pourra porter sur les zones d'activité. Et nous l'espérons, comme c'est indiqué au niveau de certains amendements, que le partenariat pourra porter sur l'immobilier d'entreprise. Et à l'intérieur, donc, deux secteurs que nous voulons particulièrement cibler, trois secteurs, pardon, l'agriculture, les mises aux normes des bâtiments d'élevage, ça va être dramatique. Il y a des choses très importantes à faire. L'agriculture, il faut absolument que l'artisanat soit aidé beaucoup plus qu'il ne l'est. Et le tourisme, rendez-vous compte, dans le projet, comme dirait Bachot, de gauche, ça va être la région qui partira du nord du Poitou pour en arriver à Urepel, qui aura la responsabilité d'un schéma d'aménagement touristique. Le Pays Basque qui perdra ses petits, nous aurons l'obligation d'y mettre notre nez et d'être très actifs dans ce domaine. Xabi Lajalda. Eta ere hortana, eta aipatu baituzue baizuen plaketetan, eta baita ere hemen eginak izan diren eta grabaketetan, modelo ekonomiko bestelako bat defenditzen duzuela. Ordion, bihitzez aipatzen albauzu. Fite-fite aktivitate ezberdinak zerrendatu dituzun moldean hartuta, berriz. Hauan, zerbitzuetan, itz bat, nik erteko, guk salatzen ditugu zerbitzu publiko eta sozialen bilakaerak, bereziki, barnekaldeak hori azkarki pairatzen duelakotz, eta ikuspegi hortatik, nire ustez, bilana soziala nahi bada, ez da bat ere baikoja. Gero, labantxa, ba, guk erten dugu behar dela labantxa ereduaz aldatu, behaz lagundu, baina ze eredua, eta hortarako erabili dugu Spangeroren adibidea kampaina honetan. Oan, ze erteko, bat, erteko, seitzen marima dugu eredu produktibista liberal eta mundializatu batean, gertatuko da, Spangeron gertatu dena, eta da, Barthelemy Ager batek erraten duena da. Nik ez nakien ze pasatzen zen hortan. Oan, nahi hozu gu erregu gabe tasunaren, prinsipioaren alde gira, baina nartzen du, poseski hori da arazoa, eta da, enpresa buru batek alako laborantza ereduan, ez jakitea bere enpresan berean ze gertatzen den. Ordan, nola nahi da gero kontsumitzaileak gauzak hasietan dituelarik, harek jakitea nolako haragi edo nahi den elikagaia ukan dezan. Hori da, lehen gauza, bigarren gauza, laboantza produktibista bat antzina eta eramanez eta lehen etxiza, zer egiten da, egiten da laborari populazioa tipitu, eta beraz, bultzatu barnekaldearen batzuk deitzen dutena desertifikazioa. Beraz, behar da laborantzaz aldatu eta indarrean ezari kalitatezko laborantza bat, balio erantzia eraikitzen duen, produzitzen duen laborantza bat, alik eta laborari gehien mantentzeko etxaldetan. Eta erran ezake, hirugarren sektoreri heltzeko orain, arlo industrial edo artisautzari begira, gauza bera, guk definatzen duguna da, tokiko eredu bat, eta ene ustez, hor badira lokal mailari begira bi eremu, bata da iparaldearena, eta hor instituzen dut gure aktivitate, barnekaldeko aktivitatean dako, barnekalde eta gostaldearen arteko osagarritasuna ere ikitzia biziki-biziki importantea da. Nik uste ditut egun guziaz ofizialeak bideak iten frangok baitituzte xantierrak kostaldean, eta bestetik gure lokal maila abertzale ikuspegitik okatzen dugu Euskal Herri osoari begira. Eta uste dugu, Pirinioaz bestalde badirela aukerak harremanak lotzeko, eta bide hortatik industria proiektu batzuk ere barnekaldetik bultzatzeko. Barthelemy Ager haipa dezagun, Spangero afera haipatu du Xabila Galdek, Jean-Jacques Lasser, Barthelemy Ager zurekin aurkezen da, zure ordezkoa da, laborantza politika berdina defenditzen duzue biek? Attendez, maintenant je vais vous dire, je considère quand même. Voyons, je vais essayer de ne pas employer des mots excessifs, mais d'employer des mots justes. Je trouve que ce lynchage a assez duré. Je trouve que ce lynchage a assez duré. Barthelemy Ager a sa conception de l'agriculture, j'ai ma conception de l'agriculture. Il est possible qu'on ne se retrouve pas sur tout. Hein. Moi, je suis de ceux qui défendent que l'idée toute simple, il ne faut pas se priver de modèles qui peuvent comporter des chances pour le Pays Basque. Bien entendu que les circuits courts sont des chances, bien entendu qu'il faut l'organiser. Je puis vous dire aussi qu'au niveau des circuits courts, si on ne les organise pas, si on n'y prend pas garde, ils peuvent aussi mourir de leur belle mort. Je vais dans les marchés, je vois de quelle façon les publicités des fois sont falsifiées. Il faut organiser les circuits courts. Mais ne manquons aucune occasion de faire se développer l'agriculture. Je suis dans votre canton, je suis du secteur de Bidache, et je passe aux yeux de beaucoup de bergers pour un gros céréalier, ce qui est stupide, je fais 20 hectares de maïs, c'est stupide. N'opposons pas les modèles, et disons-nous plutôt que toutes les chances du Pays Basque, bien sûr l'image du Pays Basque est forte, bien sûr le savoir-faire est fort, bien sûr les produits sont recherchés, mais le Pays Basque a aussi peut-être des atouts qui sont un peu différents. Rassemblons les gens, arrêtons ces querelles syndicales, essayons de faire en sorte que les modèles, que les talents puissent plus se rajouter que se diviser. Je reviens une seconde sur Spangero, j'aimerais quand même que ceux qui manipulent ce thème-là... mesure un instant les ravages que cela peut faire dans l'esprit des gens qui sont touchés. Je n'en dirai pas davantage. Moi, je n'ai aucune responsabilité dans cette affaire, si ce n'est celle de m'indigner. On peut faire partie des indignés lorsqu'on trouve que la coupe est trop pleine et que l'instrumentalisation de dossier dure un peu trop longtemps. Itza besteri emanen dugu orai, sober baso gutienik zuzira mementoko, eta xabi mintzatu. Nahi nuke aleike Spangero afera hori aleike hiz bat erran, zenta pentsatzen dut aleike protagonista importantenetari girela partikulazki zebdetean eman ditugun bohoken ondotik horri buruz. Eta partikulazki aspaldian erraiten duguna, ez da berria gauza hori. Bo, Xabi nieno gaztio da, baina aspaldian badira gauza horiek, laborantza produktivista hori, aspaldian batalian haigira hori buruz, eta partikulazki Lurberrin eraman ditugun borroka guzitan, eta sindikat mailetan, eta Arkadin gertatu diren gauzetan, eta ere Spangeron gertatu diren gauzetan. Ez dira gauza berriak, aspaldian behar gauza egiten dugu, beste laborantza iraunko bat behar dugula eskualerian. Eta gu, bon, badakit eni partikulazki zer gosta izan zadatan personalki, ene pozizionek, Lurberri mailan, beti gure responsabilitateak hartu ditugu, eta frankotan gure lan postua lan jerrian ezadiz. Eta pentsatzen dut gauza horiek buruz, guk responsabilitateak hartu ditugu, ikusten dut beste batzu ere mintzo direla orai, baina nik badakit zebdete mailan ze ere mandugun lana gauza horiek buruz, zer gosta zaun, eta igan bosketaik landa ere ze pasatu den, ene, posta, ene lan postaren dako. Sobera ipatu gabe gauza horiek, baina orokorki laborantza iraunkor bati buruz, pentsatzen dut aspaldian lanian ari gila, eta gertatu direla gauza batzu, aspaldian gertatu behar zirenak, eta Bartelimi Ager hoin errepresentant bat da. Xabi Lajalda, bukatzeko? Bai, bukatzeko Spangeroren aferari buruz. Beraz, Barthelemi agerrektu du. Bon, nik ez nakien ze pasatzen zen. Bon, nahi da, eta guk abertzale ezala, lehenago erran dut, errugabetasun prinsipioa defendiatzen dugu. Baina, afera hemen ez da irresponsabilitate judizial edo penal bat. Nik hartu dut, afera da hemen irresponsabilitate politiko bat. Zeren, badugu arduradun bat, kudatu duena enpresa bat, orain, gauza gaizki joan dielako, zertan duena, nik enpresan kudatu utana zer patxatzen ez nakien. Abai, eta zuk orain nahi duzu departamendua kudatuko duen ekiparen parte izan hori kudatzeko. Baina nola, nahi bauzu, sinesgarritasun arazo bat bada. Eta gero, bigarrenez, bo, Jean-Jacques Lasser, zirkuitu motzen alde da, eta hor, erabiliko dut, bigarren adierazpen bat. Je vais répondre, si ça prend ce temps, on va continuer. Atende, beraz, bukatzeko hortaz, erganen dut, laborantza mota hori buruz, bienvenu au club, nola bait. Baina problema da, bi laborantza mota horiek lehian direla, konkurrentzian direla, eta nahi dut oino adibide berri bat, laborantza biologikoen aldeko laguntzak, eguneko 25ez apaltzea erabaki duela gobernuak, eta bihar badela mobilizazio dei bat. Oan, laborantza guziak ez dira hor osagarritasunean dira lehian, hori da gaurko jaritatea. Hortan utziko dugu, edo... On a resté là. Hortan utziko dugu, eta Ipar Euskal Herriko instituzioa zere behar dugu mintzatu. Ce qu'a dit Xabi, non, moi j'ai souvent des échanges paisibles avec Xabi. Il vient de dire, vous vous apprêtez à gérer le département avec une personne, et il cite la personne, après avoir dit qu'il ne savait pas si elle avait une responsabilité. Je trouve que c'est... Ceci est très grave, Xabi. Ceci est très grave. Vous partez du postulat que la personne est coupable. Ah non, non, j'ai dit tout le contraire. J'ai dit que les avertissements sur les questions pénales et judiciaires... Vous dites, et vous vous apprêtez... Vous apprêtez tout le contraire. Vous m'avez dit, vous vous apprêtez à gérer ce département. Bon, alors, ça, vous l'avez dit. Non, mais la traduction... Enfin, non, je veux pas... J'ai dit, errugabetasun principioaren... Oui, mais il a bien dit, vous vous apprêtez à gérer ce département. Oui, ça, oui. Ah oui. Oui, non, non, attendez. Mais c'est votre ambition, c'est pour ça que vous allez aux élections. Vous vous apprêtez à gérer ce département, comme si véritablement, c'était une erreur, c'était une faute. C'est pas une faute. Ce que je n'admets pas. Mais vous allez aux élections pour ça, monsieur Lasserre. Non, écoutez. Je n'admets pas ces postulats. Non, moi, ce que je dis, c'est que c'est un problème de responsabilité politique. Que le débat porte sur ce registre, je pourrais moi aussi dire certaines choses. Ma vie, elle est longue. La vie m'a donné à connaître beaucoup de choses. Je connais des choses que j'aurais pu raconter en campagne électorale sur des comportements humains, sur des doutes que je peux émettre. Mais fonder des accusations. Mais j'ai pas fondé d'accusations. J'ai dit que j'étais pour le principe. Errugabetasun principioaren alde nintzela. Non. J'ai dit. Prenons deux minutes. Vous dites, je suis pour la présomption d'innocence. Voilà, présomption d'innocence. Et dans la foulée, vous dites, vous vous apprêtez à gérer ce gouvernement. Ce qui veut dire votre seconde affirmation. Département encore, c'est la prochaine fois. Votre seconde phrase. Ouais. Vous êtes sur la présomption d'innocence. Et après, vous m'accusez de vouloir essayer de gérer ce département avec une personne. Et quand votre seconde affirmation s'éloigne complètement de la présomption d'innocence. Mais si. Il faut savoir, il faut connaître le poids des mots et les enchaînements faciles que vous faites. Si vous me laissez 30 secondes. Les enchaînements faciles que vous faites me poussent à faire cette rectification. Si vous êtes sur la présomption d'innocence, vous êtes sur la présomption d'innocence. Vous n'avez aucun droit de jeter un regard critique sur nos intentions de gérer le département avec des gens présumés innocents. L'enchaînement des choses, il est coupable. Alors, vous me laissez répondre je dis en français, vous savez, nous défendons la présomption d'innocence, les avertissales. Ce que dit M. Barthélémy Agar, c'est « je ne savais pas ce qui se passait ». Et donc, je pose la question, c'est la question de la responsabilité, pas judiciaire pénale, mais politique. C'est-à-dire d'un responsable qui dit « dans l'entreprise que j'ai gérée, je ne savais pas ce qui s'est passé », mais ce responsable-là dit « je voudrais gérer le département demain », ou être en tout cas avec l'équipe qui va la gérer. Et donc je dis, il y a un problème de responsabilité politique. C'est-à-dire, l'entreprise que vous gériez, vous ne saviez pas ce qui s'est passé, et si demain vous gérez le département, on peut douter de la crédibilité des choses. La connaissance intime que j'ai des hommes me pousse à vous dire ceci. Je suis indigné de voir ce procès permanent qui est fait. Et je pourrais en dire beaucoup qui vous étonneraient. Mais je pense que j'ai un autre sens des relations humaines et un autre sens de la profondeur des débats. Eta orain, beste gai batetarat pasatuko gira. Instituzioak aipat ditzagun, beraz bada aldaketa bat, jadanik bai departamentoan, orokorki eskualdean, baina baita ere eskualegiari buruz ere badira gauza batzu, beraz aldatuko direnak, dena den herri elkargoak aldatuko dira, hori gauza segura da, eta aipatzen da hemen eskualegiaren zat biharko instituzioa zer izan ditaiken. Badira proposamen ezberdinak eginak izan direnak, naiz eta lugalde kolektibitatua eta baztertua izan, ala ere badira, hor, main gainean diren proposamenak. Zer diozue batzu alabestek eta lehenik hitza emanen dut beraz Zober Baxori, hor, instituzio berri bat eskualegien zat, nolakoa, nola ikusten duzue? Bai, nik uste, alor berri bat bada plantatuik gure itzinean, eta ikusi behar dugu, guai nola jaldatu behar duen. Ez gira ez jauzetari partitzen, dira berri un urte, deia rebandikazionia bat zen eskualeriko departamentu bat. Gure itzinean izan direna glanean, bai Angie Darraidu, bai Kristin Besonar, beste Frankok ekarri dute rebandikazione hori. Eta, ni haure izan iz Eskolariko Departamentoaren asoziazionearen ordezkari. Gero lugalde elkargoa jintzen, eta nahi dut Eskolariko Departamento hori buruz. Jean-Jacques Lazerrek ordean departamentoko buruzelaik laundu behin dien, mentuaz gehiago xantza ugein indien ukaiteko. Hori errana, baina gero lugalde elkargoa izan da, gobernamentuak errefusatu du gauza hori. Biziki gaizki hartu dugu, eta guai bat dira, prefetak egiten dituen, berriz proposamenak. Hautetxik kontseiluan, ari da erreflexio bat horri buruz, eta nik pentsatzen dut, ez dugu biziki denbora segurago gertaz aipatzeko, baina pentsatzen dut direkzione hori ona dela, eskualegiaren dako instituzio bat. Ordean guai, delako EPCI, lugalde, EPCI hori nola erten da dira eskualaz. Herri elkargo bat eskualegiaren dako, pentsatzen dut hori direkzione ona dela. Zeren eta partikulazki, guai ukein ditun eskualde importanter buruz, 6 milion jende, 300.000 jende egiten dituen eskualde bat biziki importanta izanen da negoziazionetan. Hori gauza bat nik uste ordean behar da hori buru joan, baina behar da hori buru joan, erreflexiboak eginez, partikulazki proiektu bat behar da deia elgarrekin egin. Proiektu bat, kompetentziak ikusi, ze fiskalitate, eta badakigu fiskalitate eta hoitan biziki lizentzia badela herri elkarguen artean. Hori gauza hori guzia ikusi behar dira, eta partikulazki ere ikusi behar da hurbiltasuna. Partikulazki eskualerri barneari buruz, hurbiltasun hori nola segitzen ahaldugun. Eta bena orokorki, ni pentsatzen dut, ez dute denek bergauza pentsatzen, eta behar, demokrazian gira. Baina, barnek aldearen eta kostaren aldean, badugula lotura important bat egiteko. Aipatzen bada laboantza, produkzioa eta komerzializazioen artean, baina ere aipatzen bada turismoa, edo garaioak aipatzen badira, edo beste gauza frando, luja. Gauza horien, barnek aldearen eta kostaldearen artean, lotura importantak egiten ahaldira. Baina, bakotxa behar dugu defendiatu, eta gu ez gira bestia benugutio, guren burien defendiatzeko eskualerri barnekalde juntan. Baina pentsatzen dut, aberastasuna ere biziki bada kosta aldean, barnek aldean gutiago, orian hori guziak behar ditugu untsa errepartitu, behar dugu ere poderea gobernantza munduan behar ditugu gauza horiek ikusi, badakigu lehen proposanamenetan partikulazki aglomerazione hori etzela bateako, zen da barnek aldea majoritaik zen eta delako lura, asambladan. Bon. Horten gauza hori guzek arra ikusten nahi gira, elgarrikin, eta pentsatzen dut hori buruz behar duen joan, eta klarki, eta pentsatzen dut ere kampaina honetan, oaztian aipatzen ginduen Espangero afera, baina beste afera atetan, nik uste Lanzanzak Lezak eta Bartelemin agerren artean bada problema eska bat, zeren eta ez dakigu bat eta bestiak, Lanzanzak Lezak badakigu apepres ze pentsatzen duen, nahiz eta zumitaldiz puskaat kanbiatzen den, baina Bartelemin ager argunt, horren kontra da, herri elkargo horren kontra. Horrean, bon, ez dakit, elgarrekin pentsaketa guken duztenez gauza horiek buruz, behinan guia klarki erten dugu kampaina honetan, eta herri guzietan, pasateak ira dira berroita hamar herritan, beti behar diskursua egin dugu. Horrean, Jean-Jacques Lasser, bakotxak bere ideiak emanen ditu, argituko ditu zuzenki, eta Jean-Jacques Lasser, nahi nuke zure ikus moldea eman dezazun gai horri buruz, bai eta ere, erran dezazun, ala, departamentuaren buru izaiteko xedea baduzu, Departamentuaren presidenta izanez, ez zute dea kontradikzione bat edo ahultze bat gero eskualegiaren proiektuaren zat. Presti izanen ziria departamentuko presidenta izanez, laguntzia eskualegiak bere instituzioa sordezan. Écoutez-moi, cette question, il faut la poser à tous les candidats à ces élections cantonales. Tout à fait. C'est une question qui s'adresse à M. Bachot, qui s'adresse à M. Larralde, qui s'adresse à tous les candidats portent l'ambition de gérer le département, donc il faut leur poser la question à tous. Bakatu, doidoia erraiteko entzuleri, bos minutaz luzatzen dugu gure debatea, sortia pasatua dira, baina bos minutaz luzatzen dugu gai hortaz hartzeko. Non, simplement... C'est vrai que je n'étais pas, il y a une vingtaine d'années, défenseur du département basque. Pour différentes raisons, on n'a pas le temps. Par contre, s'il y en a un qui a mouillé le maillot, comme on dit en Garazi, pour faire en sorte que le Pays basque se réunisse et travaille, je puis vous dire qu'au niveau du Conseil des élus que j'ai fondé, que j'ai essayé d'animer, je n'étais pas seul, bien entendu. Certes, la formule n'est plus contemporaine, elle ne convient plus peut-être maintenant. Mais je puis vous assurer que, de ce point de vue-là, je n'ai pas beaucoup de leçons à recevoir. Et si on a sorti le dossier linguistique, si on a sorti une ribambelle de programmes leader pour la zone montagne et ailleurs, je pense que j'ai apporté ma contribution autant que les personnes que je rencontre dans des débats. Bachot vient de dire qu'il a eu beaucoup de peine lorsque le gouvernement a refusé la collectivité. Vous avez vraiment des peines passagères, cher... J'ai pas dit peine, c'est pas le mot que j'ai employé. On l'a très mal pris. Non, mais pas bien écouté ce que j'ai dit. Mais si, on l'a très mal pris. Mais si j'ai encore été bien voir, c'est que vos grandes douleurs, elles sont très éphémères, c'est elles sont douleur. Passagères. Et ça a été. Moi, j'ai pris mes responsabilités dans ce débat et j'ai fait quelques pas que je n'ai pas constatés auprès de tous ceux qui m'entouraient, peu importe. Qu'est-ce que je pense profondément de cette chose-là. Je crois qu'il y a un Pays basque en ce moment, parce qu'on a engagé le débat. Je n'ai jamais pris la responsabilité de freiner le débat. Au contraire, on a tout fait pour l'alimenter, notamment mettre en place des équipes de techniciens et de juristes de très haut niveau. Il y a en ce moment deux élans en Pays basque. Il y a une volonté de reconnaissance des territoires, une volonté très forte des territoires d'être reconnus, d'avoir des territoires infra-Pays basque, d'avoir du budget, d'avoir de la responsabilité, parce qu'ils considèrent, et je les comprends, que c'est la meilleure façon de les défendre. Et il y a la volonté de disposer d'un outil fédératif, d'un outil unique. Il faut qu'on fasse attention aux mots, parce que... Mais la volonté d'avoir, toujours derrière ce sentiment de reconnaissance, d'avoir un dispositif qui rassemble l'ensemble du Pays basque. Je pense que cette idée, il ne faut surtout pas l'évacuer. Mais je dis que ça va être un problème très complexe. Que l'on s'entende bien, on peut dire que c'est compliqué sans être accusé de taper en touche. Mmh. Mais il y a le problème des territoires à régler, il y a le problème de la fiscalité à régler, il y a le problème de la gouvernance à régler. Je regrette tous les juristes que je rencontre, ou ceux du moins qui sont plutôt neutres dans l'affaire, me disent que ce problème de la gouvernance, au regard de la loi de 2010, n'est pas réglé. Il faudra faire bouger la loi, et pendant les débats, la loi n'a pas bougé. Donc, ça veut dire qu'il faut que le Pays basque se munisse de tous les éléments, que les acteurs soient très éclairés, qu'ils regardent à la loupe l'évolution des conseils généraux et des conseils régionaux. Parce que si demain, il y a nécessité de rapatrier des compétences, le débat ne sera plus le même. le débat ne sera plus le même. Et ça veut dire tout simplement que sans jamais lever le pied, il faut qu'on laisse un peu de temps au temps. C'est la stratégie que nous avons convenue, notamment avec les personnes très qualifiées dont je vous parlais. Je regrette l'empressement de M. le préfet, parce que cet empressement est en forme de piège. Ça consiste à dire, il n'y aura pas de collectivité pour le Pays Basque. Eureka, j'ai la solution, je la propose. C'est une solution qui, de mon point de vue, n'a rien à voir avec une collectivité. Vous vous trompez tous quand vous pensez que ça peut conduire à la collectivité. C'est simplement l'occasion de prendre à témoin le Pays Basque et de dire, si vous ne l'acceptez pas, ne revenez plus autour de ce dossier. Et je crois qu'on commettrait une grave erreur d'accréditer ce genre d'attitude. Donc maintenant, soyons très attentifs. Moi, je ne suis fermé à aucune solution. Elles sont tellement complexes à échafauder, à établir, qu'il faut qu'on se donne, d'abord que l'on continue de dialoguer. Et en Pays Basque, on dialogue. C'est peut-être le grand bénéfice de nos affaires de Pays Basque 2010 et 2020. Et qu'on regarde très concrètement les meilleures opportunités. Xavi. Bai, ordoan. Bon, lehenik jaiteko guetako abertzen dako ere, gobernuak lurralde kolektibitateari mandakon arrapostoa, ez da onargarri. Eta, bon, baina hor dugu ez da bai da errilkargo bakararena, eta leheno erten duen maneran, gue galdea da, barne kaldeak nola bermatuko du bizirautea, inguramen berrian, eta bereziki, ran behar da, inguramen berria ez da departamentoa. Departamentoa desaertzeko tanden egitura bada, inguramen berria da, abenduan sortu duten eskualde erregio handi huri, akiten Limousin Poitou-Charentes, 6 milion biztanle. Hortan, erri elkargo bakarrean sartu behar dela, guk erraten dugu, zendako, behide simple baten gatik, finkatu behar delakotz, momentu untan, berandu izan gabe, iparraldearen lurraldetasuna. Hori biziki importanta da. Bigarrenez, barnekaldearen dako, eraiki behar da, barnekalde eta kostaldearen arteko, elkartasuna, osagarritasuna. Eta egia da, guk gurtzatzen ditugun hainbat auzapez eta kontseilariak, pixkat dudetan dira eta inkiet dira, erten dute, baginu olako egitura bakar bat, nola inen du guk barnekaldekoek gure hautsa entzunarazteko kostaldeko autetxi handi hurien aintzinean. Ma nik erten dut, aintzusen ere, erri elkarguen antolaketan, barnekaldea eta kostaldea barimadoazte bakotxa bere aldetik, lehian izanen dira. Eta ongi pentsatu behar da, bietaik, zeinek duen gehien galtzeko errelkargo bakarra egiten ez bada. Eta nik, erraten dut, kostaldeko hiriek badituzte alternatibak bihar eskualde handi hortan indarrareman bat edukitzeko. Eta zein dira aterabide horiek? Artzen baduak ba, ez da behar bada, zein jantzekin, hego landesetako herriak hor lotzeko. Hego Lapurdiko errielkargoa badu Gipuzkoa ondoan. Ma bada beste opzio bat ere, batzuk haidena aztertzen, eta da, bi errielkargo horiek bateratzea eta beraz, kostan, hirigune, errielkargo bakar bat osatzea. Ta holako bat montatzen bada, nire ustez, barnekaldearen dako, biziki zaira izanen da, bere hautsa entzunaraztea ez kostari buruz, baizik eta erregio bere horretan. Orduan, ene ustez, sartu behar da errelkargo bakar horretan, eta atxeman, barne antolaketa moldeak, betoki bat eskainiko diotenak barnekaldeari. Ara, hortan utziko dugu gaia, zeren eta tenorea hurbiltzen ari da, agurtu behar dugu, bakoitzari labur galdeginen dizuet, zuen alde bozkatzeko, zer defenditzen duzuen edo zer nahi duzuen azken hitz bezala erran, Zober Baso? Labur, Bai, biziki hauza ez ditugu aipatu gaur, bideak, herriak buruz laguntzak, kolezioak, hiru urtez eskerrak kolezioetan latronita bat milion ezari ditu, apairuetan ere tarif unik delako hori, biziki importanta izan da, garaioak, transport zozankat hori, denek apresiatzen dute, bai herri guztietan pasatu irenak denak horrekin biziki akordira, aipatuz kolezioak jatea ez bakarrik bio, baina ere hemengo gauzak hemen jatea eta konsumatzea. Gauza hoitan guzitan biziki importan da igandeko bozka. Zeren eta badira gauzak nazional mailan pasatzen direnak, beste bozkaldi batzu izanen dira hoitaz mintzatzeko. Baina igandian den bozka da, departamendu hau nahi duguia aitzina joan dadin azken urteotan hartu bidetik, ala ez. Eta nik pentsatzen dut, gure basijiak entzuna izaiteko, elgarrizketa, idekidura eta elkartasun beharra baduela. Gure ekipak balore horiek bere baitan dauzka. Auzapez karguaren segida bat bezala, ikusten dut departamentuko kontseilari lana. Hola deliberatzen baduzue, martxoaren 22 eta 29an. Eta nahi dut, finitu ejanez, geruari bai. Jean-Jacques Lasserre, zuri hitza orai. Allez, en deux mots. Moi, je souhaite un département qui exerce ses responsabilités. Enfin de rigueur pour le budget. Enfin de rigueur pour le budget. Un département qui regarde les futures compétences avec dynamisme, qui ne les interprète pas au pied de la lettre comme ça va nous être proposé par le gouvernement et peut-être par l'Assemblée nationale. Je souhaite un département beaucoup plus indépendant et fier. On s'est couché devant Emmanueli, on s'est couché devant Rousset, dans toute une série de domaines. On n'emploie pas trop de... Sur la LGV, c'est pour que tu comprennes le premier coup. Sur un tas de domaines, un département, indépendant. Non, c'est pas n'importe quoi. Tu ne reprends pas, c'est trop tard. C'est trop tard. Un département fier, je dis bien, et indépendant. Un Pays basque qui y ait de la personnalité par rapport au Béarn, et je m'engage... à ce que ce soit un département qui soit le facilitateur du travail du Conseil des élus et des initiatives futures, comme je l'ai toujours fait. Xabila Galbukatzeko. Bai, ordan, guk nahi duguna, nire ustez, simplea da, guk ikusten dugu momentu biziki importante batean girela, lehenago aipatu dugun eztabaida instituzionalaren aritik, eta guk ikusten nahi duguna da, eskualegiko lehen egitura bat sortzea, iparraldearen dako, horrek bide bat itea, eta zentzu honetan, hautatuak bagira departamentuan, guk zein hendugu, hortik bere kompetentziak transferitu iparraldearen lehen egitura horretan, lehen gauza. Eta bigarrenez, guk nahi duguna, eta entzatzen garena bultzatzen, da aldaketa, gutzatzen ditugun jenden artean, eta bereziki erritarrak, nik atxemaiten dutena da, jendeak nahiko kezkatuak direla, ez dutela impresionia barnekaldean aintzinagoa zela, baizik eta gibel, biziki, hainbat gauzetan, enagoa ipatu ditut zerbitzu publikoak. Eta horrean, nik erten dut, bekonstatazio simple bat, eta betiko arduradun politikoak, betiko postuetan emaiten baitut zue, noan nahi zue, aldaketa eman dadin. Eran nahi du, George Labazeren inguruko ekipa eraberritu, edo Jean-Jacques Lasserren inguruko ekipa eraberritu, emaitu zue, azken urteetan, departamentoan agintean izan dien jendeak, eta parte batez, beraz, dagoen egoeraren erantzuleak direnak. Ara, mil esker, hiru hautagaiak, eta horretaraziko dugu ez dela bukatua, aste hartuntan ere, beste debate bat, lehen itzulia intzineko azkena, ere izanen baituko Jojo. Bai, hori da, beraz, bihar izanen da ustaritzekoa saran, errandozun bezala, eta publikoa ere etortzen alko da. Eta horretaraziko dugu ere, mankizun hau segitzen alduzuela berriz ere bihar arratsaldeko lau hontan, zati bat bezik ezparima duzu entzun, edo ere, interneten bitartez, eskual irratietan. Horretarazten dugu ere, elduden igandian, 22an hauteskunde gaua izanen dugula, arratseko seionta iguiti, eskual irratietan eta eskual edabideetan. Mil esker guziri, unat etorri. Gaon deneri. Bai, mil esker zuak. Allez, au revoir.